الحمد لله برب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد sache mon frère musulman qu'Allah te fasse miséricorde que At-Tawahid est le droit d'Allah sur ses serviteurs et c'est pour cela qu'il les a créés. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Les savants ont dit, c'est-à-dire qu'ils me rendent unique. Je leur ordonne et leur interdis. At-Tawahid, c'est la justice la plus juste. Quiconque rend unique Allah a mis la chose à sa place et a donné l'adoration à celui qui la mérite. Allah a dit, Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. At-Tawahid, c'est lorsque le serviteur rend unique Allah dans sa seigneurie, ses noms et attributs et dans son adoration. L'association est la plus grande des injustices. Quiconque donne un associé à Allah a mis la chose là où il ne convient pas et a donné l'adoration à qui ne le mérite pas et de ce fait a commis un énorme péché. Allah dit en parlant de Luqman lorsqu'il conseilla son fils et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant « Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit « Le deuxième sujet concerne ce qu'Allah a rapporté à propos de ce qu'il va faire le jour du jugement. Ce qui va se dérouler ne peut être imaginé. » Comme il a dit, les sept cieux et sept terres seront dans la main d'Allah, comme un grain dans la main de quelqu'un parmi vous. Comment, avec cette grandeur, peut-on oser mettre Allah à pied d'égalité avec une créature, ne pouvant faire ni bien ni mal ? Ceci est la plus injuste des injustices et la plus détestable des ignorances, comme a dit le serviteur pieux à son fils. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Ash-shirk, l'association est de donner un égal à Allah dans sa seigneurie, ses noms et attributs et dans son adoration. Comme At-Tawhid est accompagné de la science d'après la parole d'Allah, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Ash-shirk est accompagné de l'ignorance d'après la parole d'Allah. Dis, me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, ô ignorant ? Il faut, mon frère musulman, que tu apprennes à Tawhid avec ses conditions, piliers et annulants. Il faut que tu appliques cette science afin de préserver ton tawhid. Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que l'obligation de connaître la shahada, l'attestation de foi, vient avant l'obligation de la prière et du jeûne. Le serviteur doit chercher le sens de ce qui est plus grand que la salat ou le jeûne. L'interdiction de l'association et de la croyance à At-Tarut sont plus grandes que l'interdiction d'épouser les mères et les tantes. » Le plus grand degré de la foi est la shahada, et ainsi le serviteur témoigne que l'adoration est entièrement vouée à Allah. Il n'y a rien de celle-ci qui peut être donné à un prophète, un ange ou un pieux. Cependant, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. La signification de la mécréance à At-Tawhid est de rejeter tout ce qui est divinisé en dehors d'Allah parmi les djinns, les humains, les arbres, les rochers et toute autre chose en dehors de ceci. Nous devons témoigner de sa mécréance et de son égarement, et nous devons le détester même s'il s'agissait de notre père ou notre frère. En ce qui concerne celui qui dit « Je n'adore pas autre qu'Allah, je ne me préoccupe pas des pieux pris en adoration ni des mausolées. » Ceci est un mensonge vis-à-vis d'Allah. Il ne croit pas en Allah et ne rejette pas Tawhid. Ceci est une parole courte, à Shahada, qui demande une longue recherche. Un effort personnel afin de connaître l'islam et la raison pour laquelle Allah a envoyé ses messagers. La recherche de ce que les savants ont dit à propos de « Quiconque mécroit au Tawhid, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser » Sourate 2 verset 256. Et fournir des efforts dans ce qu'Allah a enseigné et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa Ummah du point de vue du Tawhid. Quiconque se détourne de cela, Allah scelle son cœur, et cette personne a préféré la vie d'ici-bas à la religion. Allah ne l'excuse pas de son ignorance. Allah est le plus savant. Les conditions de At-Tawhid. Quelles sont les conditions de La ilaha illallah? Définition de Shart. Condition. C'est une exigence nécessaire qui doit être présente afin que la chose soit valide. Il faut que tu saches, ô frère musulman, que les conditions de At-Tawhid ont une importance capitale et il incombe à tout musulman de les apprendre et de les mettre en pratique. Et cela, parce que si une des conditions n'est pas présente, la base de l'Iman et de l'Islam devient caduque. Prenons l'exemple de la prière. Si une de ces conditions n'est pas respectée, comme la direction de la Qibla, ou porter des habits qui couvrent le minimum exigé, alors la prière n'est pas acceptée. Les conditions de Tawhid sont au nombre de 7. Première condition, la science, l'ilm. Allah a dit, sache donc qu'il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah. Et il en est ainsi parce que le fait d'ignorer qu'Allah, l'unique et le seul qui mérite d'être adoré, empêche l'acceptation de l'islam. Et c'est pourquoi la science ici est une condition pour que l'islam d'une personne soit acceptable. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah lui-même, entrera au paradis » rapporté par Muslim. Abdurrahman ibn Hassan, petit-fils du shir, dit « Les savants des Ahl Sunnah ou Al-Jama'a ont rapporté le sens de la ilaha illallah. Il est obligatoire de connaître l'affirmation et la négation que renferme cette parole afin de nous permettre de connaître son sens réel. » Al-Wazir Abu al-Mundhafar, rahmahullah, a dit dans son livre Al-Ifsah, prononcer Shahada implique la connaissance de sa signification. Allah dit, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Le illah dans la Shahada signifie qu'aucune chose ne mérite le statut que possède Allah. Et ce qui est essentiel à connaître vis-à-vis de cette parole, c'est que celle-ci comporte l'effet de mécroire à At-Tawhid et croire en Allah. En effet, lorsque l'on renie toute divinité autre qu'Allah et que l'on affirme qu'Allah est la seule divinité qui mérite d'être adorée, alors on est considéré comme étant quelqu'un qui adore Allah et qui mécroit au At-Tawhid. Abdullah ibn Abdurrahman Ababatin rahimahullah dit, Allah dit, ceci est un message, le Coran, pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique et pour que les doués d'intelligence s'exhortent. Allah n'a pas dit qu'ils disent qu'il n'y a point de divinité, qu'une seule divinité. Mais Allah a dit, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité, en pleine connaissance de cause. Sourate 43, verset 86. C'est-à-dire, avoir dans le cœur ce que leurs langues ont déclaré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt tout en connaissant qu'il n'y a pas de divinité autre qu'Allah entrera au paradis. Les savants se sont basés sur ce verset et d'autres afin de montrer que la première obligation entre chaque personne est de connaître Allah et que l'obligation capitale est de connaître la signification de la ilaha illallah. Et la plus grande des ignorances est la connaissance incomplète de son sens. Ce qui est étrange, c'est que certaines personnes, lorsqu'elles entendent quelqu'un parler du sens de la ilaha illallah, sa négation et son affirmation, ceux-ci critiquent et disent qu'ils ne sont pas en charge des gens. On doit répondre à cela qu'ils sont chargés de la connaissance du Tawhid pour lequel Allah a créé les djinns et les humains et pour lequel il a envoyé tous ses messagers afin qu'ils le prêchent et de connaître l'opposé, c'est-à-dire l'association, laquelle Allah ne pardonne pas et n'excuse pas celui qui en est ignorant. Il n'est pas permis de suivre aveuglément car la shahada est la base des bases. Quiconque ne connaît pas le bien et ne rejette pas le mal est perdant surtout lorsqu'il s'agit du plus grand bien qui est le Tawhid et du plus grand mal qui est l'association. Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, rahmahullah, dit Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmahullah, a dit prononcer la parole de la ilaha illallah sans connaître sa signification et sans appliquer ce qu'elle implique ne rend pas la personne musulmane. Mais ceci est une preuve contre cette personne, contrairement à ceux qui ont dit que la foi est l'acceptation, comme Al-Qaramiyya, branche des Murji'a, ou que celle-ci est simplement croire en la véracité du message, comme disent les Jahmiyya. Allah a démenti les hypocrites par rapport à leurs témoignages mensongers. Allah a dit, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils voulaient affirmer que leur foi avec les mots de l'attestation et l'article de la confirmation et la lettre ainsi que la phrase nominale. Et de cette même façon, Allah les a démentis et leur a donné un qualifiant horrible, menteur. Après tout cela, tu constates que la foi nécessite la véracité et les actes. Ainsi, on peut savoir que la foi repose sur la croyance et les actes. Quiconque témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et adore autre que lui en parallèle, celui-ci a un témoignage vain. Bien qu'il prie, donne à zakat ou jeûne, ou qu'il mette en avant certaines œuvres propres à l'islam. Allah a dit à propos de ceux qui croient en une partie du livre et rejettent une autre. Croyez-vous en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Deuxième condition, la certitude, al-yaqin. Après avoir appris ce qu'était al-tawhid, ainsi que le sens de la ilaha illallah, il est impératif d'avoir la certitude absolue concernant cette parole et son implication dans la mesure où il faut faire converger toutes les sortes d'adorations vers Allah, l'unique. Il ne doit subsister ni doute ni hésitation à propos de son implication. Allah a dit, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Sourate 49, verset 15. On trouve dans un hadith authentique rapporté par Muslim que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je témoigne qu'il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah lui-même et que je suis son messager. Il n'y a aucune personne qui rencontre Allah avec ses témoignages sans y douter, sans qu'elle entre au paradis. Troisième condition, l'acceptation, al-qaboul. Après avoir appris ce qu'était al-tawhid, ainsi que le sens de la ilaha illallah, avoir eu la certitude absolue concernant cette parole, il est impératif de l'accepter et de ne pas la rejeter. Allah a dit, quand on leur disait, point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Sourate 37, verset 35-36. La soumission, al-inqiyat. Après avoir appris ce qu'était al-tawhid, ainsi que le sens de la ilaha illallah, avoir eu la certitude absolue concernant cette parole et l'avoir acceptée, il est impératif de s'y soumettre dans la mesure où il faut rejeter toute la route et le désavouer et croire en Allah l'unique en se livrant à lui exclusivement. Allah a dit, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Sourate 4, verset 65. La différence qui existe entre la troisième et la quatrième condition est que la troisième condition, qui est l'acceptation, se fait par les paroles, alors que la quatrième condition, qui est la soumission, se concrétise par les actes. Abd al-Rahman ibn Hassan al-Ashir, rahimahullah, a dit « L'islam n'est pas une prétention et une prononciation de paroles, mais plutôt une soumission à son unicité, sa seigneurie et son adoration unique sans rien lui associer. » Allah a dit « Donc, quiconque mécroit aux rebelles, Tarout, tandis qu'il croit en Dieu, ses silences la plus solide qui ne peut se briser. Et Dieu est audient et omniscient. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. La véracité, al-sidq. Après avoir appris ce qu'était al-tawhid, ainsi que le sens de la ilaha illallah, avoir eu la certitude absolue concernant cette parole, l'avoir acceptée et s'y être soumis, il est impératif d'être véridique vis-à-vis de cette parole. Dans les deux sahih, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul ne témoigne qu'il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah lui-même et que Mohammed est son serviteur et son envoyé tout en étant véridique dans son cœur sans qu'Allah ne lui interdise l'enfer. » Il dit encore « Quiconque dit la ilaha illallah tout en étant véridique dans son cœur entrera au paradis » rapporté par Ahmed. Par contre, celui qui la prononce avec la langue, mais rejette ce qu'elle implique avec son cœur, alors elle ne lui sera pas bénéfique. Comme Allah a dit au sujet des hypocrites lorsqu'ils ont dit « Nous attestons que tu es certes le messager ». Alors le Très-Haut a dit « Allah sait que tu es vraiment son messager » et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. De même, Allah les a démentis par sa parole. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. L'exclusivité, al-ikhlas. Après avoir appris ce qu'était at-tawhid, ainsi que le sens de la ilaha illallah, avoir eu la certitude absolue concernant cette parole, l'avoir acceptée, s'y être soumis tout en étant véridique, il est impératif d'être exclusif en cela. L'exclusivité, c'est attribuer l'adoration à Allah l'unique sans que le serviteur n'en attribue une seule à un autre que lui. Allah a dit, il ne leur a commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Ainsi fait partie de l'exclusivité le fait de ne pas prononcer cette parole, ni de s'y conformer pour satisfaire les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah interdit le feu à quiconque dit la ilaha illallah, recherchant la face d'Allah, rapporté par Bukhari et Muslim. Il a dit encore, les gens les plus heureux de mon intercession au jour du jugement sont ceux qui auront dit la ilaha illallah tout en étant exclusifs et sincères dans leur cœur, rapporté par Bukhari. La compassion, al-mahabba. Après avoir appris ce qu'était at-tawhid, ainsi que le sens de la ilaha illallah, avoir eu la certitude absolue concernant cette parole, l'avoir acceptée, s'y être soumis, tout en étant véridique et exclusif à Allah, il est impératif d'aimer cette parole. L'aimer de son cœur et le montrer par la parole. Allah a dit, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah, et Allah est dur en châtiment. Sulayman ibn Sahman, rahimahullah, dit, je vais citer avant de donner une réponse à ces sujets, le sens de la ilaha illallah, et ce qu'ont cité les savants vis-à-vis de ceci, et ce qu'a rappelé notre shir Abdurrahman ibn Hassan, mufti de Najd, rahimahullah, sur ces conditions qui ne peuvent rendre valide l'islam d'un individu seulement si elles sont toutes réunies, et qu'il témoigne avec savoir, en connaissance de cause avec ses actes et sa croyance. Et ainsi, les annulants de l'islam, rappelés par Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, sont la base de l'islam de laquelle découlent ces sujets et le fondement sur lequel des jugements peuvent être bâtis. Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, rahimahullah, a dit, nous sommes contents que tu aies pris conscience de l'ignorance dans laquelle baigne la plupart des gens par rapport à la signification de la ilaha illallah, même si cela la prononce avec la langue, mais renie sa signification. Fais attention à 6 ou 7 points sans lesquels on ne peut se préserver de la mécréance et de l'hypocrisie. Car avec ces points-ci, une personne devient musulmane. En effet, les paroles doivent être en accord avec la croyance, le savoir, les actes, l'acceptation, la compassion et la soumission. Il est indispensable de connaître son sens qui élimine l'ignorance. Et il est aussi indispensable d'être exclusif dans son adoration afin d'éliminer l'association. La véracité est aussi nécessaire afin d'éliminer le mensonge, contrairement aux associateurs hypocrites. La certitude est indispensable afin d'éliminer le doute, car l'individu peut témoigner en doutant de sa signification et de ce qu'elle implique. La compassion est indispensable afin d'éliminer la haine. L'acceptation, éliminant le rejet, est indispensable, car l'individu peut connaître sa signification sans l'accepter, comme c'était le cas chez les Arabes associateurs de l'ancienne époque. Il faut aussi la soumission afin d'éliminer l'association. Quiconque possède tout ce qui a été cité ci-dessus trouvera la volonté d'apprendre le sens de la ilaha illallah et sera doté d'une clairvoyance guidée et droiture. Et par Allah est la réussite.